Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture où je reçois aujourd'hui, avec grand bonheur, Gilles Laporte. Bonjour Gilles. Bonjour Sarah. Comment vas-tu ? Je vais, entre deux pages d'écriture, entre deux salons, entre deux rencontres en médiathèque, bibliothèque, entre deux vies. Entre deux chemins. En permanence. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, Gilles. Ça me fait vraiment très plaisir que tu accordes donc... une émission Caprice de lecture. Mais tout le plaisir est pour moi, Charles. Merci, c'est vraiment gentil. Alors, le format de l'émission, 5 questions qui te sont entièrement dédiées, donc à toi en tant que personne, mais aussi sur ton travail d'écrivain. Et puis à la fin, donc un caprice de la semaine, donc une lecture que tu as pu faire et dont tu as envie de partager les émotions ou le contenu avec nous. Alors, première question, Gilles. Tu es issu d'une famille d'ouvriers textiles des Vosges. Comment t'es venue ta passion de l'écriture et on verra un petit peu plus tard la lecture. Les deux me sont venus simultanément. D'accord. Et peut-être pas tout à fait simultanément, mais d'abord la passion de la lecture qui a engendré celle de l'écriture. Je m'explique. Dans ma famille d'ouvriers de filature, il n'y avait pas de livres. Ok. Pas de disques. Bref, il n'y avait pas de cet environnement qui est indispensable à une ouverture d'esprit, un épanouissement des facultés aussi bien du cœur que de la tête. D'accord. Et cette absence de livres a été corrigée fort heureusement par ma première maîtresse d'école. Quand je suis arrivé à l'école primaire, je suis tombé sur une maîtresse qui a su m'inviter à partager son amour de la langue plutôt que m'apprendre à écrire et à D'accord. lire. Ce partage réussi a abouti à ce que je décroche le prix de lecture au cours élémentaire première année. Et il y avait encore des distributions de prix à cette époque-là, à l'appel de mon nom dans la salle des fêtes, avec toute la population dans la salle, toutes les autorités sur l'estrade, le maire, le curé, le conseil municipal, le postier, enfin tout le monde, tous les notables étaient là. À l'appel de mon nom, je suis allé recevoir mon prix de lecture et j'ai reçu mon premier livre, qui était le Don Quichotte de Cervantes en édition illustrée pour enfants. Ça ne t'a jamais quitté. Collection Rouge et Or, et je l'ai en permanence à côté de moi. Voilà. Il est à côté de mon clavier d'ordinateur. Et quand j'écris, j'ai la main dessus. Et quand il m'arrive d'être en panne, quand mes personnages n'ont pas trop envie de travailler avec moi, j'ouvre mon Don Quichotte, j'en lis quelques pages et ça redémarre. Incroyable. Donc c'est une passion qui m'est née de celle partagée de ma première maîtresse d'école qui s'appelait Madame Jungen, j'aime rappeler son nom, elle le mérite. C'est une très belle histoire. Et en plus, bah, elle a eu bien raison de te faire partager cet amour de la langue du coup. Ouais, ouais. Hein ? Alors, Gilles, tu es auteur de plus de 13 romans, dont le dernier qui est paru en septembre 2022, qui est Le Souffle d'Ange. Tu fais un parallèle entre la Normandie et la Lorraine, d'accord ? Alors, on est quand même aux deux extrêmes de la France. Tu avais envie de construire l'histoire, on va dire, sur ce parallèle, ou c'est la Normandie, une région qui te tient à cœur autant que la Lorraine ? Comment ça se dessine ? C'est tout ça à la fois, chère Sarah, parce que la Lorraine, je l'aime passionnément, c'est mon pays, j'y suis né, et je suis même né dans le village dans lequel je suis toujours. Je n'ai pas quitté mon village en 77 ans. Je vis là, sur les lieux de mes racines. D'accord. Mais la Normandie, j'ai appris à l'aimer. Grâce au salon du livre, grâce aux échanges d'auteurs entre régions, je suis souvent invité dans des salons là-bas et j'ai rencontré là-bas un lectorat absolument passionnant et passionné, d'une qualité d'attention, d'une chaleur d'accueil, d'une culture littéraire assez rare. Je n'ai pas rencontré ces qualités-là dans d'autres régions de France. D'accord. Il y a aussi un dynamisme en matière de création littéraire en Normandie qu'on ne trouve pas beaucoup ailleurs, si, en Lorraine. En Lorraine. Et peut-être même que la Lorraine est devant la Normandie en matière de dynamique, de création littéraire. Bah oui, c'est vrai, quand on voit les Goncourt qui viennent d'être attribués, oui. Nicolas Mathieu, on a vu il n'y a pas très longtemps, juste l'année suivante ou deux ans après, oui. Maria Pourchet, oui. Qui est d'Épinal. Oui. On avait eu un peu de temps avant d'autres auteurs qui ont frisé le Goncourt. Donc on est dans une région d'un dynamisme exceptionnel. Donc on a la dynamique d'écriture en Lorraine et il y a la dynamique de lecture, pas seulement, mais de lecture en Normandie. En Normandie, avec un foisonnement en matière de création. Mais c'est, il y a un nombre d'auteurs. C'est très complémentaire du coup dans votre. Alors on va pas dire amour, hein, parce que c'est pas le mot, c'est peut-être pas le mot adapté, mais on sent que la Normandie te tient autant à cœur, ou peut-être un tout petit peu moins que la Lorraine. Ce qu'il y a eu en plus de particulièrement étrange dans la naissance de ce roman, Le Souffle d'Ange, oui. C'est que il est né de deux rencontres. De deux rencontres. La première, je me baladais dans mes Vosges, dans un petit village qui se trouve à 20 km de chez moi, qui s'appelle d'accord. Bouzemont. Oui. Bouzemont, à côté de Dompère qui est connu pour sa fameuse bataille de blindés de la Seconde Guerre mondiale, entre les troupes, les Panzerdivisions allemandes et la 2e DB de Leclerc. Mais dans ce village de Bouzemont, alors que je me baladais les mains dans les poches, le nez en l'air, j'ai vu sur une façade, ici est né Joseph Potier, rénovateur du champ grégorien. Je me suis dit, tiens, j'ai entendu parler de cet homme-là, ce nom ne me dit rien, c'est curieux, je vais me renseigner. Et puis, quelques mois après, j'étais en Salon du Livre en Normandie. Okay. Et j'avais décidé de rentrer par le chemin des écoliers. J'avais un peu de temps devant moi, donc je prends la voiture et je me balade un peu dans la région. Et dans une petite ville qui s'appelle Saint-Martin de Beaucherville, je visite une abbaye, Saint-Georges. Et dans l'abbaye, j'entends un orgue extraordinaire. Je vois un orgue extraordinaire du XVIe siècle. Cet orgue me frappe, le buffet est remarquablement décoré de rinceaux de feuillage, mm-hmm. de fruits, tout ça de belles couleurs. Oui. Et je me dis que je vais retenir ça, parce qu'un orgue comme ça, on n'en voit pas tous les jours. XVIe siècle. Et je continue mon chemin des écoliers et j'arrive dans une autre abbaye, l'abbaye de Saint-Vendry, qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Rouen. J'entre dans cette abbaye, je la vis, et je tombe en arrêt sur une sépulture qui est celle de Don Joseph Potier. Incroyable. Je me dis, c'est pas le même. Moi, je bois tes paroles, je ne respire plus. Je me suis dit, c'est pas le même. C'est pas Joseph Potier de Bouzemont, quand même. C'était Don Joseph Joseph Potier de Bouzemont, l'enfant de ces Vosges, que je ne connaissais pas. Alors, j'ai fait quelques recherches, oui. Et je me suis rendu compte qu'il a été l'un des personnages les plus importants de l'Église au XIXe siècle, au début du XXe siècle. Okay. Il a été chargé par le pape de rénover le chant grégorien qui était complètement oublié. Il a passé 10 ans à Solesmes, à l'abbaye de Solesmes, qui est la Rome du chant grégorien. Et il a travaillé donc cette technique, il a tout réécrit. Et il en a fait ce que nous connaissons aujourd'hui, qui est bien pratiqué maintenant. Et il a rénové toute la liturgie catholique, toujours à la demande du pape. Et pour le remercier de son travail, oui. Le pape lui a confié l'abbaye de Saint-Vendry, en Normandie, qui avait été ruinée par la Révolution. Il lui a dit, voilà, je vous nomme premier abbé régulier de cette abbaye depuis la Révolution française, à charge pour vous de la relever, de ses ruines. Et ce qu'il a fait. Donc il est enterré là, et je suis tombé sur sa sépulture. Et je me suis dit, attends, là... Il n'y a pas de hasard, c'est pas possible. Saint-Vendry, Joseph Potier, Don Joseph Potier. Bouzemont, Joseph Potier, l'enfant qui était là, oui. né d'une mère brodeuse et d'un père instituteur. Et puis cet orgue, il faut que j'en fasse quelque chose. Et comme l'un des fils rouges, pour ne pas dire le plus important fil rouge de tout mon travail d'auteur, c'est la condition de la femme dans notre société depuis la nuit des temps... Je me suis dit que j'allais créer un personnage féminin, normand, qui, au cours d'une de ses balades, entend l'orgue de Saint-Martin de Beaucherville, et qui décide, parce qu'elle est frappée, elle est subjuguée par la voix de cet orgue, elle décide de devenir facteur d'orgue. Ça va poser un problème, parce que c'est un métier d'homme. Et puis, c'est une femme. C'est une femme. Quand même. C'est un métier d'homme. Et puis elle vient de décrocher son brevet supérieur. Elle peut être maîtresse d'école. Voilà. Elle peut être secrétaire de mairie. Elle peut être... Ce qui était confié aux femmes à l'époque. Et puis si elle ne veut pas être ça, son père lui dit, tu pourras être femme au foyer. Tu voilà, élèveras tes enfants. Tu seras, voilà. Tu seras la seconde de ton mari. Quoi. Non. Je veux être facteur d'orgue. Elle va tenir tête, elle va être soutenue par le patron de son père qui va lui dire « Tiens, moi j'ai des amis, c'est même plus que des amis, c'est presque de la famille à Nancy. » Or, la Lorraine est le pays le plus réputé au niveau européen. Oui. Pour la qualité de ces factures d'orgue. Donc, si vous voulez, moi je vous aide, je vous mets en relation avec eux, ils vous introduiront dans tout ce milieu. Et voilà comment elle arrive chez nous. Et arrivée chez nous, c'est elle qui va faire le lien entre Saint-Vendry, dont Joseph Potier, et un jour, en balade, elle voit à Bouzemont, Joseph Potier, elle dit, attends, c'est pas... Voilà. Elle refait la découverte que j'ai faite dans l'autre sens. Mais je me dis, il n'y a pas de hasard. Enfin, non, il n'y a pas de hasard. C'est quand même incroyable. Non, il n'y a pas de hasard. Même pour toi, je veux dire, tu vois ce nom que tu ne connais pas, tu vas en Normandie, tu vois le même nom, ça devait se faire comme ça. Oui. Moi, je me dis, c'est pas possible autrement. Il n'y a pas de hasard, en tout cas, je n'y crois oui, pas. Oui, moi non plus, mais là, c'est tellement frappant ce que racontes que... Ce qu'on appelle hasard, c'est... Un concours de circonstances. C'est une manière qu'ont les paresseux de s'affranchir de leur travail de recherche. Tu le croises sur ton chemin à deux reprises, oui, de manière complètement fortuite. Ouais. Voilà. Enfin, du coup, pas trop fortuite quand même, mais c'est assez incroyable. Et puis le romancier a pris le dessus là-dessus, il a créé des personnages, et j'en ai fait cette histoire de souffle d'ange. On va faire une petite pause après tous ces beaux mystères. Moi, j'adore écouter ça. Avec Scarlatti. Oh, moi, j'adore. Moi aussi. Thank you. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission de Caprice de lecture, toujours avec la présence que je souhaitais de tout cœur de Gilles Laporte. Alors Gilles, tu nous as confié un premier secret de comment t'es venue la passion de l'écriture, qui était donc ta rencontre avec cette maîtresse d'école. Mais apparemment, tu en aurais un deuxième. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Quelques mots. Oui, mais il n'y avait pas de livres dans ma famille, comme toute ma famille est famille d'ouvriers de filature. Et lorsque mes parents travaillaient à l'usine et qu'ils devaient me confier à quelqu'un pour la garde, c'était à ma grand-mère. Ma grand-mère qui était ouvrière aussi, pas de filature, mais elle était éclusière sur le canal de l'Est. Et chez elle, il n'y avait pas de livres non plus. Pas de livres parce que c'était interdit, lire était considéré comme une occupation de fainéant. Et lorsque mes parents me confiaient à sa garde, elle me mettait sous le nez pour m'aider à tuer le temps, expression dont j'ai horreur, le très gros catalogue de la Manufacture des Arts et Cycles de Saint-Étienne, le catalogue de Manu France. D'accord. Dans lequel il y avait le monde entier. Le monde entier, ça commençait avec les vélos de marque Hirondelle, les fusils de chasse robustes, ça se terminait par les ustensiles de cuisine. Entre les deux, il y avait le monde entier, les tapis, les étoffes, le matériel d'apiculture, il y avait tout. J'ai découvert le monde entier dans le catalogue de Manu France chez ma grand-mère. Et ma grand-mère est morte en octobre 1959, j'avais 14 ans. D'accord. Et quand elle est morte, mes oncles ont décidé de vendre la maison. Donc ils l'ont ouverte pour faire l'inventaire et j'en ai profité pour faire le mien d'inventaire. Oui. Donc je suis allé explorer la maison dans tous ces recoins où je n'avais pas l'autorisation d'aller habituellement. Et dans une petite pièce, j'ai trouvé une petite armoire que j'ai ouverte et je suis tombé en arrêt devant la bibliothèque cachée de ma grand-mère. Elle avait des livres. Qu'elle cachait ? Mais qu'elle planquait, parce que c'était mal vu d'avoir des livres dans une famille d'ouvriers comme ça. Ouais. Donc j'étais en train d'admirer ces livres de ma grand-mère quand j'ai pris un violent coup de pied au cul. L'un de mes oncles était arrivé, m'a dit « Tu dégages, t'as rien à faire ici, toi. » Il y a un gamin de 14 ans, à cette époque-là, il n'avait pas son mot à dire, donc j'ai dégagé. Ouais. Je suis allé dehors et le soir même, j'ai vu cet oncle vider les livres dans une brouette, mener la brouette dans le verger, vider la brouette sous un mirabellier, arroser les livres d'essence et y mettre le feu. C'était un soir d'octobre, la nuit tombait, je n'oublierai jamais l'image de ces livres qui brûlent. Il y avait tellement d'essence, ça brûlait tellement fort que les branches du mirabellier brûlaient avec. J'ai essayé de sauver deux ou trois livres avec un bâton, j'ai pris un deuxième violent coup de pied au cul. Alors, pas pu en récupérer un ? Non, je me suis écarté, j'ai hurlé à mon oncle de là où j'étais, c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien du tout. Ouais. Un jour j'écrirai des livres pour remplacer tout ce que tu as brûlé. Voilà, et je tiens ma promesse tous les jours. Et ton oncle a-t-il assisté à ton succès ? Au début. Au début. Il ne m'en a jamais dit un mot. C'est une histoire alors à la fois triste, mais à la fois qui explique beaucoup de choses. Ça donne une énergie fantastique, extraordinairement fabuleuse. C'est incroyable. Un moment comme celui-là. Très fort en plus en émotion et tu t'es promis et tu tiens toujours ta promesse. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et jusqu'à mon dernier souffle, je la tiendrai cette promesse. Ah oui, je veux bien te croire. Alors, justement, on parlait donc de l'aspect écriture, mais tu es aussi conteur. Pour moi, tu es comme un messager, un passeur de tradition. Est-ce que l'écriture est son alter ego ? Est-ce que tu pourrais être que conteur sans écrire ? Ou est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'est une espèce d'entonnoir où tu es obligé de faire les deux pour être épanoui ? Ou voilà, est-ce que conteur c'est venu après ? Après l'écriture, est-ce que c'est venu en même temps ? Qu'est-ce que tu comptes ? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire aussi quelques mots ? Tout ça est venu en même temps. D'accord. Ma première maîtresse d'école m'a fait entrer en littérature par la lecture à haute voix. Oui. Donc je me racontais les histoires que les livres me confiaient à l'école primaire déjà. Et aujourd'hui, lorsque j'écris, je relis systématiquement chaque phrase à haute voix. Je veux la tester et je me la raconte. Les histoires que j'écris sont des histoires que je me raconte d'abord. Que tu couches sur le papier après. Je suis mon propre conteur d'histoires. Les histoires que je confie à mon public ensuite, à mes lecteurs ensuite, dans mes romans, sont des histoires que je me suis d'abord racontées, que j'ai testées sur moi. D'accord. Les deux sont pour moi indissociables. Indissociables. Ok. Et du coup, quand tu fais des séances de contes, est-ce que tu racontes des contes, on va dire, de Lorraine ? Est-ce que tu racontes d'autres contes d'ailleurs ? Qu'est-ce que tu comptes ? Et pour quel type de public ? Je fais très peu de séances de contes. Je ne raconte pas d'histoire. Là, il y a des professionnels pour ça, hein, qui le font remarquablement bien. Moi, j'aime parler de ce qui me touche profondément. D'accord. De ce que je vis, de mes expériences, du fruit de partager le fruit de mes recherches en matière de littérature ou de sociologie, ouais. De politique, parce que pour moi, toutes ces activités-là ne se dissocient pas de l'activité de création littéraire. Oui. C'est une activité de l'esprit qui doit être ouverte au plus large possible, le plus largement possible. Et tout le temps. Et tout le temps. Et tout le temps. En permanence. Mmh. Les périodes la période convulsive, oui, que nous vivons en ce moment est une période qui m'oblige très souvent, mais je reçois cette obligation avec beaucoup de passion, qui m'oblige à des réactions, coup de gueule, coup de cœur, sur mon blog, par, oui, exemple. Je ne peux pas ne pas le faire. Donc, c'est ça que je me raconte. L'analyse que je fais de notre temps, la manière que nous pourrions adopter pour tenter de corriger les dérives de notre temps, et tout ça en l'ancrant dans le passé, parce que rien n'est plus riche d'enseignements que l'histoire. Merci pour tous ces beaux enseignements. Moi, je suis encore traumatisée par la bibliothèque brûlée. C'est pas possible. On va faire une coupure musicale avec Mélodie Gardot. Et après, on verra avec toi donc, tes projets pour cette année 2023 et puis ton caprice de la semaine. Oui. This foolish heart could love you. This foolish heart could oh so easily fall. For in the instant that our eyes should ever happen to intertwine, or should your hand fall ever sweetly into the precipice of mine. Take care with all the words you tell me. Take care with what your eyes may seem to say. You know poetry and prose are far too easy to compose, and then I'll start believing there's the slightest chance for some romance for this foolish heart. Wondrous is what the moment brings. Wonderful the songbird sings. But even though it's wonderful, the evening there, yeah, I should know there is about to be an end to everything I see. For no sheer amount of moonlight, no sheer amount of stars that shine above, could sweetly cast a light upon your face, or ever offer an embrace. This story ends as only friends with such a foolish heart. Caprice de lecture sur Fadjet. troisième et dernière partie de cette émission Caprice de lecture. Déjà dernière, toujours en présence de Gilles Laporte qui a accepté de rester avec nous. Gilles, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets pour cette année ? Quels sont-ils ? Elles sont multiples, j'en ai plein des projets. J'ai un roman qui va paraître fin août. D'accord. Et qui se situe cette fois dans le cadre, son décor sera le monde de l'horticulture en Lorraine. D'accord. À la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. J'aime dans tous mes romans mettre un coup de projecteur sur un élément de patrimoine, oublié, en voie de disparition, en tout cas que, dont on n'a plus conscience qu'il a apporté beaucoup à notre pays. Et l'horticulture lorraine, avec des gens comme Crous, comme Victor et Émile Lemoine à la fin du 19e siècle, a été d'une importance considérable pour le rayonnement de la Lorraine dans le monde. Et c'est déjà oublié. Et toi, tu vas le faire revivre. Je m'efforce, avec les outils qui sont les miens, de rappeler que ça a existé et que ça se perpétue. Parce qu'aujourd'hui, la Lorraine compte l'une des plus belles écoles d'horticulture de France, voire d'Europe, qui se situe à Reuville-aux-Chênes. D'accord. C'est le fameux centre horticole de, ah oui, et de paysage de Reuville-aux-Chênes, qui compte aujourd'hui un millier d'apprenants par an, et qui viennent de partout. De partout. Donc c'est un bel héritage, et j'ai voulu relier cet établissement actuel, très oui, contemporain, donc ça c'est notre vie de tous les jours maintenant, avec cette histoire-là, parce que on est dans la continuité là, on est dans la transmission. Ouais, c'est chouette. Et pour moi, c'est très important. Donc, ça va se passer là. Je raconte l'histoire d'un jeune garçon qui naît dans des conditions difficiles à Nancy et qui va être passionné à la fois par la nature, le passionne, et puis le dessin. Et il va évoluer dans ce milieu en développant simultanément ses deux passions. D'accord. L'hybridation des plantes, tout ce qui est la technique de reproduction des plantes pour en tirer de nouveaux cultivars, de nouvelles espèces. Et il va dessiner en même temps. Donc, il va vivre ça. On est entre 1871 et 1925. Donc ça, c'est le prochain roman. D'accord. Je ne peux pas en donner le titre. Je ne le connais pas encore. Mais on sait que c'est pour août. C'est pour août. Et c'est auprès de la cité, comme d'habitude. D'accord. Roman historique. Et puis j'ai deux autres livres qui vont sortir là bientôt, en avril-mai. L'un qui a été une commande d'éditeur, la maison Magellan de Paris, m'a commandé, pour sa collection Pour l'amour d'eux, m'a commandé Pour l'amour de la Lorraine. Super. Donc ça va sortir là, il est terminé depuis un moment déjà, d'accord. Il est dans les tuyaux de l'imprimerie, donc il sortira au plus tard, c'est absolument certain, pour le Salon du Livre de Metz. D'accord, en avril. En avril. Et puis, je vais sortir dans une petite maison d'édition nancéenne que j'aime saluer là aujourd'hui. D'accord. C'est Kairos. Ok. Et son patron François Baudin, qui a décidé de rééditer mon tout premier texte, mon tout premier roman très court, que j'ai entièrement réécrit pour la circonstance, parce que depuis ma plume a un peu changé. Donc j'ai entièrement réécrit, mais roman court dans une prose poétique, et ça s'intitule « La lame et la soie ». Donc c'est une édition, je ne veux pas dire précieuse, non, mais pour moi elle l'est. Mais c'est une édition qui ne vise pas le grand public, mais qui tente à offrir de la manière la plus simple possible, mais sur l'essentiel même de l'existence, la vision la plus poétique possible. Super. Donc ça va sortir avril-mai aussi ? La lame et la soie chez Kairos, là, oui, bientôt, dans quelques semaines. D'accord. Tu voulais nous parler d'un caprice de la semaine, Gilles ? D'un certain monsieur Pierre Pelot. Oui, notre Pelot national. J'aime beaucoup l'appeler comme ça parce que c'est par affection. Hein. Oui, bon, tout le monde connaît l'œuvre de Pierre Pelot, qui en est à plus de 200 romans oui, dans tous les genres. Il a touché au western, il a touché au roman psychologique, il a touché au polar, il a touché à tout, y compris la littérature que les Parisiens qui se posent du col ont qualifié de littérature blanche, avec des bouquins remarquables qui sont des monuments comme « C'est ainsi que les hommes vivent » oui, ou « Sous le vent du monde ». Bon, et là, il a publié récemment, dans la même maison d'édition que moi, Presse de la Cité, un livre qui s'intitule « Se souvenir des orages ». C'est un livre qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu parce qu'il est en balance permanente entre la fiction et le témoignage. Entre l'auto-analyse, la manière dont l'auteur vit sa propre vie et les événements qu'elle traverse, et les personnages de fiction qui s'y croisent. C'est étonnant, c'est remarquablement bien construit et c'est d'une richesse, bon, style Pelot, quoi. On ne le remplace pas assez. Eh oui. On ne peut même pas le décrire tellement il est particulier. Il faut juste aller le lire. Ah, il faut le lire, absolument. Voilà, comme c'est toi qui le conseille, il faut aller le lire. Obligé. Se souvenir des orages de notre ami Pelot, oui. Merci beaucoup, Gilles, de ta présence dans les studios de Fadjet. C'était un vrai plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. À très bientôt. Merci, Gilles. Au revoir. Merci, chère Sarah.